Comme il l'avait promis par-dessus la montagne, le monstre, méprisant la ville comme un bagne, alla droit au palais, là de voir tout trembler, espérant trouver là quelqu'un à qui parler. La porte ouverte, ainsi qu'au vent le jonc frissonne, vacillait. Il entra dans le palais. Personne. Tout en pleurant son fils, le roi s'était enfui et caché comme tous, voulant vivre aussi, lui, s'estimant au bonheur des peuples nécessaire. Une bête féroce est un être sincère et n'aime point la peur. Le lion se sentit honteux d'être si grand, l'homme étant si petit. Il se dit, dans la nuit qu'un lion a pour âme, « C'est bien, je mangerai le fils. Quel père infâme !» Terrible, après la cour prenant le corridor, il se mit à rôder sous les hauts plafonds d'or. Il vit le trône, et rien dedans. Des chambres vertes, jaunes, rouges, au seuil vide, toutes désertes. Le monstre allait de salle en salle, pas à pas, affreux, cherchant un lieu commode à son repas. Il avait faim. Soudain, l'effrayant marcheur fauve s'arrêta.